Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Et voilà, forcément, le premier titre est parti, donc vous l'avez reconnu, Razorlight in the Morning, un titre de 2006 qui ne nous rajeunit pas forcément. Donc je vous le disais en introduction, des petits soucis techniques, mais qui vont vite être surpassés. Et on va voyager parce que votre animateur au micro étant un petit peu voyageur à ses temps perdus. Je suis allé du côté de la Croatie et j'ai découvert un artiste, mais je suis également allé en Chine pour aller voir des concerts, entre autres. Bon, là, je vous dis pas que la version rock chinoise, c'est exactement la même que la version rock anglaise ou française, mais bon, il y a quelques ajustements. Ce qu'on appelle, nous, rock en France, alors je pense que c'est du métal en Chine, et ce qu'eux appellent pop, bah c'est ce que nous, on appelle pop plutôt. Eh bien, eux, pour eux, les Chinois, c'est du rock. Mais bon, j'ai peut-être pas forcément tout vu et tout entendu en Chine, donc... Je vais rester humble et on va continuer notre recherche et découverte d'artistes étrangers. Pour l'instant, une petite valeur sûre, les Foo Fighters. Alors, les Foo Fighters que je voulais retrouver, eh bien non, on ne va pas en parler tout de suite des Foo Fighters, mais on va écouter tout de suite The Pretenders. Et c'est le titre The Pretender, et c'est les Foo Fighters, et c'est maintenant dans Only Rock. Je vous laisse avec eux. Yeah. On vient d'écouter, c'était le titre de Pretender. Et forcément, si vous connaissez pas la musique américaine, bah, peut-être que ça vous a quelque chose. En 94, donc, Nirvana s'arrêtait brutalement au décès de Kurt Cobain. Et à l'issue de ça, donc, les Foo Fighters se formaient avec forcément Dave Grohl à la batterie. Et le titre qu'on vient d'écouter, The Pretender, c'est sorti en 2007 sur l'album Echoes, Silence, Patience and Grass. Et on va enchaîner tout de suite avec, alors on change de registre, hein, parce que là on va du côté de la France, on va du côté des titis parisiens avec monsieur Tony Truant, qui en 2009 sortait l'album L'œil américain, et le titre qu'on écoute tout de suite, c'est toute une poésie, tous égaux, devant l'asticot, voilà, c'est... C'est très bien, c'est très intéressant, mais ce n'est pas dans notre esprit. Vous voyez les affaires en ce moment, en me jetant, voilà ce qu'ils m'ont dit. Le ciel a attrapé la jaunisse, encore une belle journée faste. L'atmosphère, la syphilis, même les mouches sont enthousiastes. Quand on dépose sa chic, grâce aux verres et aux végétaux, des quartiers chics, tous égaux devant l'asticot, tous égaux devant l'asticot. Cinq heures et demie sur le boulevard, les crétins, les inconnus se rampent. Ils vous filent un cafard noir, faudrait qu'ils flottent pour qu'ils décampent. Il est grand temps de boire un verre, oubliez cette laideur qui lasse. La première gorgée est amère, faut se tenir, être perspicace. Quand on dépose sa chic, grâce aux verres et aux végétaux, du ghetto ou des quartiers chics, tous ces côtes vont l'asticot, tous ces côtes vont l'asticot. Cette fille est drôlement jolie, je vous prie un autre verre. Celle-ci a vraiment tout pour plaire, je crois que je ne l'oublierai jamais. Mais aussitôt qu'elle disparaît, je n'arrive pas à me souvenir ni de son regard, ni de son sourire. Quand on dépose sa chic, grâce au verre et au végétaux, du ghetto ou des quartiers chics, je ne vois pas d'où puisqu'elles sont trois. Quand on dépose sa chic, Anatole Beaucanard ou Victor Hugo, du ghetto ou des quartiers chics, tous ces côtes font l'asticot, tous ces côtes font l'asticot, tous ces côtes font l'asticot, tous ces côtes font l'asticot. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Tony Truant, donc le titi parisien avec tous ses gos devant l'asticot. On enchaîne avec un titre des Vampas. Alors les Vampas, comment ne pas les aimer? Ces artistes attachants avec son chanteur Didier Vampas. En 2009, il sortait un album au nom tout modeste. Hein. Le titre de l'album, c'est ça, c'est Les Vampas sont la preuve que Dieu existe. En toute simplicité. Sur cet album, j'avais envie de vous faire découvrir deux titres. un très court sur un ancien homme politique français du Parti communiste, Monsieur Georges Marchais. Donc, ça, je crois que c'est plus de 40 ans, ça leur parle un peu, ça. Mais avant, il y avait, on va écouter le titre. Ça aussi, ça parle un peu pour les plus anciens. Lors d'une cérémonie des Victoires de la musique, Bertrand Cantat et le Noir Désir avaient reçu un prix et il avait fait un petit discours sympathique à l'intention du patron d'Universal à l'époque. Voilà, donc on va écouter tout de suite le titre Universal et Georges Marchais. C'est Les Vents Passent, c'est dans Only Rock et c'est tout simplement maintenant à 17h49. C'est parti. Faites bien attention. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Quand je vois la France, ça m'a dit qu'il faudrait qu'il revienne. Quand je vois le PCF, ça m'a dit qu'il faudrait qu'il revienne. Quand je vois ma maman, ça m'a dit qu'il faudrait qu'il revienne. Quand je vois Cliff le chien, ça m'a dit qu'il faudrait qu'il revienne. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y Marchais, bien sûr, illustre communiste français, secrétaire général du Parti communiste dans les années 80, avec un célèbre, je sais plus quoi, El Kabash, là, Fermez-la El Kabash, un truc comme ça. Vraiment, c'était vraiment une époque plutôt pas mal au niveau politique, à côté d'aujourd'hui. Mais on va pas faire de discours là-dessus. C'est vrai que quand on écoute Georges Marchais des Vents Passent, on se dit, bah, ça paraît facile, hein, comme ça, de faire des chansons. Mais pas du tout, hein. Vraiment, essayez de vous y coller une fois, d'écrire les 3 ou 4 couplets avec un refrain, que ça sonne bien, que ça tombe juste, avec les rimes qui vont bien. Essayez, puis on en reparle un petit peu, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis collé il n'y a pas longtemps, et bah, je me suis arraché les cheveux, c'est pour ça d'ailleurs que j'en perds un petit peu encore, hein. Allez, on enchaîne avec un groupe parisien, il me semble, en 2010, l'album qu'il sortait s'appelait No Problem. Le titre qu'on écoute, c'est I Think I Like You. Je vous laisse découvrir tout simplement Jamaica dans l'Irock. Et c'est maintenant. Jamaica sur Only Rock, il est 17h58 tout rond. On enchaîne, on traverse l'Atlantique. On va écouter Monsieur Jack White, un artiste protéiforme, polyforme. Enfin voilà, il touche à tout, il a plusieurs projets vraiment tous excellents, aussi bien les uns que les autres. On l'a découvert avec Meg Wright, avec... Waouh, ça m'échappe, j'en reviendrai après, mais bon, allez... C'est du direct, on est comme ça, on est dans l'Irock, on est sur Radio Web Passion, voilà, on n'est pas des machines, comme dirait l'autre. On écoute un titre sorti en 2012 sur l'album Blunderbuss, le titre c'est 16 Saltin. Je vous laisse tout de suite avec Monsieur Jack White, je vous en parle juste après. I Monsieur Jack White, de son vrai nom John Anthony Gillis, fête ses 45 ans dans quelques jours, dans deux jours, le 9 juillet. Figurez-vous, il est né à Détroit. Ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est vraiment excellent. Au départ, guitariste-chanteur du duo les White Stripes, bien sûr, avec Seven Nation Army, le titre qui les a fait connaître à travers le monde. Mais il est également pianiste et batteur, et accessoirement acteur également. On dit de lui qu'il fait partie des pionniers de la renaissance du garage rock, entre autres. Rien que ça pour Monsieur Jack White. Allez, tout de suite, on s'enchaîne avec un titre dont je vous parle juste après ça. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio et Passion. J'ai un petit... il est là, tout de suite. On vient d'écouter Bad Lieutenant et le titre de ce qu'on vient d'entendre, c'est Summer Days. Ça a été tiré de l'album Never Cry Another Tear en 2009. Alors, qui sont Bad Lieutenant? C'est tout simplement Monsieur Phil Cunningham, Jack Evans, Bernard Summer, associé à la batterie Jack Mitchell. On continue avec un groupe, alors là on reste dans la région centre et on va du côté de Blois et aux alentours de Blois. Il y a quelques temps, j'ai découvert un groupe sur scène. Ce groupe, c'est Ice Cream. Ils ont sorti en 2013 déjà l'album Hey Girl. Et c'est tout simplement le titre que je voulais vous faire découvrir. Hey Girl dans Only Rock. C'est juste après ça. Il est 18h passé de 7 minutes. Only Rock, la passion du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion. The first time I saw Ice Cream, Hey Girl, sorti en 2013 dans Only Rock, c'était maintenant. Le chanteur a une voix particulièrement puissante, et quand je dis puissante, je pèse mes mots, hein. On continue notre voyage avec les Stripes. Alors ça, c'est un jeune groupe anglais qui, il y a quelques années, ont déferlé la chronique parce qu'ils étaient tout jeunes, tout minots. Ils avaient à peine 18 ans et ils sortaient un album, voilà, qui était à peine sorti sur les réseaux. Mais bon, ils faisaient vraiment leur preuve sur la scène, sur les scènes anglaises. Les Stripes, et voilà, puis depuis, je crois qu'ils ont pris un peu d'envergure, un peu plus de plomb dans l'aile, un peu plus de maturité. Donc, je voudrais vous faire découvrir un titre de 2013. Donc, c'était il y a 7 ans. C'était leur tout début. L'album, c'est, Snapshot. On va écouter les titres I Can't Tell, Angel Eyes. Je pense que voilà, c'est deux petits titres des Stripes, rien que pour vous, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, on continue, on commence avec I Can't Tell et ce sera suivi par Angel Eyes. Rien que pour vous dans Only Rock. C'est parti. La passion du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion. explain, but you ain't got time to think. You know he's bad news, but you take a glance. His headlines say you're on the right page for romance, and you just fall. Oh yeah, you fall for those eyes. Oh yeah, you fall for angel eyes. He drives you crazy. Touch the brakes. You try to speed up, but he overtakes. You move so quickly that you miss the signs. Forgot it where you're headed, girl, but you don't seem to mind, 'cause you just fall. La passion du rock sur le web. Eh bien, c'est maintenant. Il est 18h21, on est toujours à bord d'Only Rock. Et là, je vous emmène du côté des États-Unis, puisque on aurait pu penser que ce groupe était irlandais, tant leur son sonne comme du rock irlandais, mais non. Ce sont des Américains. Et on écoute tout de suite Tobacco, le titre de Flocking Molly, sorti en 2004 sur l'album Within a Mile of Home. Tobacco, c'est maintenant. Shores sweet Barbados, where the sugar cane grows taller than the god we once believed in. The butcher and his crown raped the land we used to sleep in. Now tomorrow chimes of ghostly clans that haunt Tobacco Island. Twas 1659, forgotten now for sure. They dragged us from our homeland, the musket and their gun. Cromwell and his roundheads battered all we knew. Shackled hopes of freedom were nailed with stolen guns. serene, for it's never again I'll breathe the air of home. From the sandy edge, the rolling sea breaks my revenge. With each whisper, a thousand ways. Flogging Molly dans Only Rock, le titre c'était Tobacco, et on enchaîne avec les John Butler Trio en 2007, sortait l'album Grand National. Dessus, j'ai choisi le titre Devil Running, et juste après, on part en Croatie, c'est promis. Thank you. disaster. And most of us, we stand and watch our lady get backstory. It's time to chase them cream up. I see the devil and the devil is running. Guilty faction. And now it's time, not just to watch our backstory. It's time to chase them grim on. I see the devil and the devil is wrong. And now it's time, not just to watch our backstory. La passion du rock sur le web, bien sûr. Ah, maintenant j'ai un petit tic, je coupe mes jingles pour les terminer. Voilà, c'est le petit plaisir du soir. On continue notre balade, et là je vous l'avais dit, on va du côté de la Croatie, parce qu'il y a 6 ans, je suis allé en Croatie, du côté de Zagreb, de Split. Je suis allé aussi un peu plus loin, mais bon, j'ai vu des magnifiques parcs, des plages bétonnées, mais ça a son charme également. Et là, j'ai découvert un artiste, Goran Barré et Mike. Je suis un peu tombé sous le charme, et puis j'ai pris un album, Teske Bodje, qui était sorti en 2011. Je l'ai écouté, et puis depuis, je vous en passe quelques morceaux, surtout un. Mais là, je voulais vous en faire découvrir un nouveau. Le titre, c'est Ona. Alors, j'ai pas pris le temps de regarder ce que ça voulait dire, mais je vous laisse découvrir Ona de Goran Barré et Mike. Là, on est en Croatie. Tout. Yeah. Alors, ce que chante Goran Barré avec son groupe Mikey Ona, j'ai fait quelques recherches parce qu'on m'a reproché de pas connaître très bien mon croate, mais voilà, j'ai passé 15 jours, 3 semaines en Croatie, j'étais du côté de Zadar, j'avais traversé également, je crois, la Slovaquie pour aller à Dubrovnik, un petit voyage assez long, mais en voiture, mais c'était plutôt très très sympa à faire. Alors, Ona, ce que chante Goran Barré, ça veut dire tout simplement elle. Donc je pense qu'il parle d'une femme qu'il a connue. Et voilà, donc ça c'est un petit clin à mon ami Didier qui, je vous rappelle, Didier, enfin, on ne connaît pas vraiment comme ça, mais Monsieur Jackal sera à l'antenne de Radio Web Passion dès demain 18h jusqu'à 20h pour son émission Hot Rods. Petit aparté, on fait un petit retour avec les Stripes, on va écouter le titre Rolling and Tumbling, et juste après, eh ben, je vous emmène en Chine. Tout simplement. Allez, Rolling and Tumbling, c'est les Stripes dans New York. We'll be right back. Rolling and Tumbling, les Stripes, bien sûr, toujours sur l'album Snapshot, sorti en 2013. Alors voilà, je vais vous faire une petite partie biographie de ma vie. À trois reprises, en 2005, 2010 et 2015, je suis allé en Chine, à Pékin, dans le centre du pays, à Shanghai également, à Ningbo également, c'est pas très loin de Shanghai. J'avais la chance de connaître des amis qui y habitaient, donc j'ai pu y voyager un petit peu. Et forcément, étant à Shanghai pendant quelques jours avant de reprendre un avion, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir un concert. Donc, en regardant un petit peu sur le net, en se débrouillant un petit peu et en demandant un petit peu à droite à gauche, j'ai vu qu'il y avait une salle de concert un peu underground dans un petit quartier, une petite ruelle de Shanghai. J'y suis allé un soir, j'avais pris mon billet, alors non sans mal, parce que prendre son billet par mail, quand tu parles un peu l'anglais, mais pas trop, mais bon, en Chine, c'est un peu parfois compliqué. Et j'avais été voir un concert. L'annonce du concert était plutôt sympathique, ça paraissait plutôt dynamique, plutôt pas mal, hein. Je me suis dit, tiens, je vais passer un concert, une soirée, ça va taper un peu dedans, voilà, ça va être pas mal. Et puis en fait, j'avais du mal à comprendre, hein, parce que c'était une soirée, on va dire électro, mais tranquille, très très tranquille, avec des petits jeux de lumière sympathiques, mais qui faisaient un peu penser à la boom de mes 14 ans. Mais voilà, c'était vraiment tranquille. Néanmoins, on était 4 dans la salle. Donc je me suis dit, j'ai peut-être pas choisi le bon concert. Bon, c'est pas très grave. Donc je m'étais rabattu après, plus tard, sur de la musique à ramener chez moi en France. Et je me dis, tiens, il y a une compile chinoise 2005-2010, quelque chose comme ça. Ça paraît pas mal. Ça va peut-être me donner un aperçu assez large de tout ce qu'on écoute. Et en fait, en écoutant la double compilation Rock China précisément, je me suis rendu compte qu'on était plutôt du côté de la pop, hein, vraiment. Alors pour ça, je peux vous faire des longs discours, je vais vous laisser avec le titre suivant. Alors c'est le 13e titre du disque 1, ça dure 4 minutes 47 secondes. Je vais pas forcément vous dire exactement ce qu'il veut dire, parce que c'est écrit en chinois et je suis pas forcément très bon. Je vous laisse tout de suite et on se retrouve dans 4 minutes 47. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Voilà, je vous les ai mis sur la page Facebook d'Only Rock, l'émission, le titre en chinois du titre qu'on vient d'écouter. Donc si jamais vous avez des talents de traducteur, n'hésitez pas à m'envoyer la traduction du titre et pourquoi pas de la chanson même. Je peux vous envoyer une copie de la chanson. Enfin vraiment, il n'y a pas de souci. On continue avec une valeur sûre dans le rock, les Rage Against the Machine, Killing in the Name of... Fuck you, I won't do what you tell me. Only Rock. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Sur Radio Web Passion, bien sûr, avec Fabien, et c'est maintenant, et on se termine l'émission tranquille avec une valeur sûre, comme j'aimerais dire. Voilà, j'avais prévu deux titres, mais malheureusement, le temps presse, parce qu'il est 18h55, on va écouter tout de suite Manic Depression, c'est sorti sur l'album Electric Tubuland. Bien sûr, vous avez reconnu, c'est Monsieur Popa Chubby qui fait grincer sa guitare, les cordes de sa guitare. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, forcément, ce sera la fête nationale du 14 juillet, je serai du côté de Sancerre, rien que ça. Donc je vous donne rendez-vous le mardi 21 juin, 17h30, sur Radio Web Passion, Abandonne l'Irock, et je vous y retrouverai avec plaisir. Tout de suite, Manic Depression, Popa Chubby dans l'Irock. Bonne soirée à tous et à toutes. Manic depression touching my soul. I know what I want, but I just don't know how to go about getting it. Feeling sweet feelings drips from my fingers. Manic depression catching my. Woman so weary, she calls it vain. You make love, you break love, it's all the same. Music, sweet music, I wish I could caress, kiss, yeah baby. Manic depression, frustrated. We'll be right back. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion.